Ravi de vous retrouver dans cette grande édition de la mi-journée de ce vendredi 29 mai 2020, dont voici les principaux titres. Le professeur d'université et expert des élections, Denis Banchimiwusa, trouve que ce n'est pas normal que la Commission nationale électorale indépendante déclare officiellement avoir publié des résultats provisoires erronés issus du récent triple scrutin. Selon lui, la CENI devrait réunir tous les partenaires électoraux pour donner plus d'éclaircissements. Vous l'entendrez dans cette édition et vers la fin, il sera l'invité du journal. Et en page agriculture, les caféiculteurs burundais se réjouissent de la déprivatisation de la filière café. C'est au moment où, avant cette déprivatisation, ils observaient beaucoup d'impayés et arriérés chez ces caféiculteurs. Fidèle d'Antoine Sabimana nous fera le point. Et enfin, les raisons qui poussent une personne à insulter une autre via les réseaux sociaux sont entre autres le manque de valeurs culturelles et ne pas avoir les mêmes intérêts. Ce sont les propos du professeur sociologue Alexis Ndabarushimana. La solution qu'il propose, c'est la formation de la population burundaise se rapportant aux valeurs culturelles données par les experts et cadres du gouvernement. Voilà pour les grands titres de cette édition mise en onde par François Akimana et à la présentation Raissa Liliane Inamaholo. Bonjour et bienvenue. Débutons ce journal par cette page politique. La publication des résultats provisoires du triple scrutin contenant des erreurs par la Commission électorale nationale indépendante est en soi anormale. C'est du moins une analyse d'un professeur d'université et expert électoral, professeur Denis Banchimiwusa, qui explique que ces résultats compliquent les candidats à ces élections en cas de recours. Selon lui, la CENI devrait réunir tous les partenaires électoraux pour donner plus de précision. On l'écoute. Ce qui nous a surpris très récemment, c'est que le président de cette CENI, le docteur Kazihise, a parlé des chiffres qui n'ont pas été contrôlés, donc les chiffres qui n'étaient pas officiellement publiés, expliquant la raison pour laquelle il a retiré ces chiffres provisoires du site de la CENI. Ça devient un peu problématique parce que si nous savons que les résultats provisoires des élections du 20 mai ont été les résultats des compilation au niveau communal, au niveau provincial, jusqu'alors au niveau national, on peut se demander d'où alors la CENI avait tiré ces chiffres provisoires publiés, puisqu'elle parle des chiffres qui n'avaient pas été contrôlés. Et oui, c'était le professeur Denis Banchimiwusa qui sera d'ailleurs l'invité du journal. Les services de l'eau et d'électricité à la régie des eaux vont être séparés pour permettre des performances sectorielles, a conclu le Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi dans un compte rendu lu par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement Prosper Nahogwamiye, explique que le dit institutionnel et organisationnel de la régie des eaux fait suite au constat que les performances attendues n'ont jamais été satisfaisantes. La régie des eaux est une société commerciale de droit public depuis 1990. Le gouvernement du Burundi ne ménage aucun effort pour la redresser afin de la rendre efficace. Malgré ces efforts du gouvernement, les performances de la régie des eaux n'ont jamais été pleinement satisfaisantes. En effet, les pertes de distribution de l'eau potable et de l'électricité restent élevées et le taux de recouvrement annuel moyen n'est que de 66%. D'autres défis se font observer. Face aux dysfonctionnements qui s'observent, une réforme institutionnelle et organisationnelle de la régie des eaux, recommandée à travers les différentes mesures proposées pour son redressement et l'amélioration de ses performances, constitue une urgence. au niveau de cette restructuration institutionnelle et organisationnelle de la Régie des eaux, la note indique qu'il est envisagé la séparation des services publics de l'eau potable et de l'électricité pour permettre des performances de chaque institution sectorielle. C'est dans ce cadre qu'un groupe de consultants est à l'œuvre pour mener une analyse approfondie conduisant vers la séparation de ces services comme accompagnement de ce processus de réforme institutionnelle et organisationnelle de la Régie des eaux. Il est proposé la mise en place d'un comité de pilotage au plus haut niveau pour permettre les résultats conformes aux orientations stratégiques du gouvernement. Et toujours à ce propos, le Conseil des ministres, avec 6 points à l'ordre du jour, a également approuvé l'octroi d'un permis de recherche des terres rares et minerais associées à la société Femico dans la localité de Minago-Murago sur une superficie de 149 km carrés. Suivez encore une fois le porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Projet de décret portant octroi d'un permis de recherche des terres rares et des minerais associés dans le périmètre Minago-Murago en faveur de la société Ferrox Mineral Conformity. La société Ferrox Mineral Conformity est une société de droit burundais. Cette société a été créée pour mener des activités d'exploration, de prospection et de recherche des minerais des terres rares sous toutes ses formes sur le périmètre Minago-Murago d'une superficie de 149 km². Pour ce faire, elle a déposé un dossier complet de demande de permis de recherche au ministère en charge des mines. Conformément au code minier, le permis de recherche est délivré pour une durée de 3 ans et peut être renouvelé 2 fois pour une durée de 2 ans chaque fois. Analysant le programme des travaux proposés et les capacités techniques et financières de la société Ferrox Mineral Conformity, et compte tenu du fait que ce projet cadre bien avec les objectifs du programme national de développement, les services techniques proposent d'accorder à la société le permis de recherche demandé. À l'issue de l'analyse du projet, le Conseil des ministres l'a adopté, moyennant quelques corrections. Poursuivons ce journal par cette page agriculture. Les caféiculteurs burundais se réjouissent de la déprivatisation de la filière café. Ils disent qu'ils ont déjà eu le paiement de la première tranche de leur production. Les taxes communales provenant du secteur café ont augmenté également, étant donné que la fraude est limitée. C'est au moment où, avant la déprivatisation, il s'observait plusieurs impayés et arriérés chez ces caféiculteurs. Le ministère de l'Environnement, l'agriculture et l'élevage se réjouit du déroulement de la campagne. Déo Guide Rurema précise également que le paiement de la deuxième tranche est en cours de préparation. Reportage signé Fidèle d'Antoine Sabiman. À l'usine de dépilpage et de lavage du café Cerise de Muremera, commune Guéta, des caféiculteurs qui vendent leur café ont eu le paiement de la première tranche de leur production. Janine Ndairagije, caféiculteur de la colline Muremera, dit avoir déjà perçu la première tranche et se réjouit que l'État ait pris en main le secteur café. Je suis veuve, j'ai vu qu'il y a une différence. J'ai eu ma somme telle qu'elle était. Franchement, j'ai confiance en l'État qu'il va nous payer au bon moment. L'État est capable. À part les caféiculteurs, même les communes ont profité de la déprivatisation du secteur café parce que la fraude a diminué sensiblement. Cyprien Nibitegeka est l'administrateur de la commune Makebuko de la province Gitega. S'il est dépilpé à la maison, on ne peut pas savoir qui l'a acheté. On ignore de même sa destination. Et comme cela, au niveau de la perception des taxes communales, c'est une perte. Mais si on vient ici à l'ISU, on fait des calculs et nous recevons nos taxes. Déo Guide Rurema, ministre de l'Environnement, Agriculture et de l'Élevage, indique que l'État a injecté des fonds dans ce secteur pour faciliter le paiement des caféiculteurs. Cette campagne se déroule de manière sereine. Le niveau de paiement de la première tranche des caféiculteurs, et partout nous sommes passés et nous avons trouvé que la population est affirmée qu'elle a déjà reçu le paiement de la première tranche. Quand le secteur café était occupé par les privés, et on avait assisté beaucoup aux impayés, aux arriérés des caféiculteurs. Emmanuel Niungeko, directeur général de l'Office du développement du café du Burundi au DECA, fait savoir que son organisation projette exporter une quantité de 25 000 tonnes de café, alors que seulement 9 000 tonnes avaient été exportées la saison dernière. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Sur Isanganiro, il est 13h passé de 5 minutes. Je vous le disais dans les titres que le manque de valeurs culturelles et ne pas avoir le même centre d'intérêt sont certaines des raisons qui poussent une personne à insulter une autre via les réseaux sociaux. Propos du professeur sociologue Alexis Ndabalushimana qui signale que les conséquences dues à ce comportement sont la vengeance et le suicide. Pour que ce phénomène soit éradiqué, Alexis Ndabalushimana propose une formation se rapportant aux valeurs culturelles données par les différents experts et cadres du gouvernement à l'endroit de la population burundaise. C'est au moment où il se remarque des insultes qui sont diffusées via les réseaux sociaux. Suivez professeur Alexis Ndabalushimana au micro de Vestine Butoyi. Les raisons sont multiples. Il y a notamment le fait qu'il y a des problèmes au niveau des individus qui pensent que tout comme ils sont loin de ceux-là à qui ils s'adressent, qu'ils peuvent se permettre de prononcer n'importe quoi, de lancer des injures. Une autre raison, c'est par rapport, par exemple, à la mauvaise éducation reçue dès le bas âge. Vous vous souvenez, par exemple, on a toujours dit que les bergers, quand on entend quelqu'un qui prononce des injures, on le compare à un berger. Ce qui est normal parce qu'il va y avoir une différence entre quelqu'un qui a grandi, qui a été éduqué dans une famille où il y a les parents, papa, maman, les oncles, les tantes, qui s'occupaient de l'éducation de l'enfant. À un certain moment, c'est suite à ce manque d'éducation reçu dès le bas âge qui pousse les gens à lancer des injures. Autre chose, c'est lorsqu'il y a des gens qui ont leurs problèmes psychologiques. Peut-être suite à une perte de sa fortune, suite à une perte d'un proche, suite à une déception enregistrée au cours de sa vie. Cela peut avoir les difficultés de distinguer ce qui est bon à communiquer, ce qui est mauvais à communiquer. Ce que je peux donner comme quatrième raison, c'est qu'il y a par exemple des personnes qui, dans leur vie quotidienne, se voient peut-être en train de perdre leurs intérêts. À ce moment, ces gens-là sont dérangés et se donnent la peine de dire n'importe quoi. Et quelles sont les conséquences qui découlent de ces injures? Les conséquences sont néfastes, que ce soit du côté individuel, je vais parler de la personne qui a été insultée, mais aussi du côté de la société. Au fur et à mesure que quelqu'un se sent insulté, il se sent dévalorisé. Et lorsqu'on se sent dévalorisé, on se rend compte que pratiquement on n'a plus de place dans la société. Et lorsqu'on se rend compte qu'on n'a plus de place dans la société, les conséquences qui peuvent en suivre, ça peut même conduire au suicide. Ça peut même conduire à ce découragement qui peut même empêcher quelqu'un d'entreprendre ici et là. Qu'il faudrait-il faire pour arrêter ces injures qui sont lancées sur les réseaux sociaux? Ce n'est qu'à travers la formation et l'éducation. S'il existe beaucoup d'autres personnalités qui vont s'adonner à ces séances de formation et d'éducation à la citoyenneté et aux valeurs culturelles surtout. Mais aussi, il faut que les parents aussi prennent conscience pour l'éducation des enfants. Ceux-là qui sont en train d'insulter les gens, ce ne sont pas les enfants. Mais ce sont des personnes responsables que nous connaissons. À un certain moment, on se dit, mais est-ce que finalement, si à son âge, il peut insulter les gens jusqu'à ce point-là, qu'est-ce qu'il faisait au cours de son adolescence? La décision d'empêcher les Burundais de se réfugier en Tanzanie a été prise du fait qu'ils observent la paix et la sécurité au Burundi. C'est l'explication de l'ambassadeur de la Tanzanie au Burundi, l'ambassadeur Jili Elibariki Maleko, qui appelle les réfugiés burundais se trouvant dans les camps de la Tanzanie à regagner leur pays natal et de contribuer dans le développement du pays. Suivez-la, elle est traduite par Mireille Kanyange. Habari za kutopokea wakimbizi wa Burundi nchini Tanzania ni agizo lile ni lile lilotolewa. La décision interdisant l'accueil des Burundais partant en exil sur le sol tanzanien date de 2017. Il n'y a pas une récente décision liée à l'interdiction du départ en exil vers la Tanzanie. À cette époque, la Tanzanie avait pris cette décision pour limiter le nombre de réfugiés burundais alors que le pays connaît la paix et la sécurité. Toutefois, les frontières tanzaniennes sont ouvertes et ce pays est prêt à accorder l'exil aux ressortissants des pays limitrophes en cas de violence dans leur pays respectif. collectif. Nous avons pris cette décision en 2017 car c'était incroyable que les Burundais s'exilent alors que le pays est sécurisé. Il s'agissait d'une initiative de la Tanzanie pour encourager les Burundais regroupés dans des camps de réfugiés en Tanzanie au rapatriement volontaire. Suite à la période électorale que traversait le Burundi, le rapatriement volontaire des Burundais a été suspendu. La dernière opération date du 18 mai courant. Nous attendons la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, puis l'on va reprendre le rapatriement des réfugiés. À la source, interview. Je vous l'avais dit dans les titres, l'invité du journal Denis Manchimi-Woussa, professeur d'université et expert électoral, trouve que la Commission électorale nationale indépendante devrait donner plus de précisions sur les résultats provisoires issus des élections du 20 mai. Il s'entretient avec Eleni Bell Nibigira. Professeur Denis Manchimi-Woussa, bonjour. Bonjour. Très récemment, la Commission électorale nationale indépendante a publié les résultats provisoires issus du triple scrutin du 20 mai. Quelle est votre analyse ? C'est vrai, le 25 mai 2020, la CENI a procédé à la publication des résultats provisoires du triple scrutin du 20 mai 2020. C'était dans ses attributions, mais ce qui nous a surpris très récemment, puisqu'elle parle des chiffres qui n'avaient pas été contrôlés, qui autre alors avait contrôlé et visé ces chiffres publiés par la CENI? Bien plus, puisque la CENI, à la tête de laquelle se trouvait le président Kazihise, a convoqué les diplomates, les journalistes, les compétiteurs, les leaders partisans, les médias pour la publication des résultats provisoires. Qui l'a contraint de le faire, puisque il voyait que c'était un draft selon ses propres dires? Pourquoi s'est-il pressé à publier ces résultats qui n'étaient qu'un draft et qu'il ne contrôlait ni visait? C'est donc une problématique qui est là et qui doit être clarifiée. Est-ce que c'est pas aussi simple que la CENI constate une erreur et puis corrige? Oui, on pouvait parler d'une erreur simple à corriger. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il s'agit, selon les propres dires du président de la CENI, le docteur Kazihise, c'est qu'il s'agit des chiffres qui n'ont pas été contrôlés ni visés par les membres du bureau de la CENI. Donc des chiffres qui n'avaient pas lieu d'être publié officiellement. Alors, on peut se demander d'où venaient ces chiffres et qui l'a contraint à les publier. Et puis, il ajoute pour terminer que ce n'était qu'un draft, mais que nous devons nous attendre alors à d'autres chiffres qui probablement seront justes à publier par la CENI. Est-ce que cela pose problème? Cela pose grand problème. Pourquoi? Parce que d'abord, la CENI risque de se discréditer davantage, surtout que même pendant le processus électoral, elle avait commis quelques erreurs qui pouvaient encore une fois entacher sa crédibilité. Alors, pourquoi a-t-elle publié des résultats injuste? Pour quelles raisons? Deuxièmement, c'est que nous risquons de tomber dans un problème pour les compétiteurs, et peut-être qui souhaiteraient saisir la Cour constitutionnelle comme juge. Selon la loi, la CENI devrait transmettre les résultats provisoires à la Cour constitutionnelle pour validation et publication des résultats définitifs. Alors, est-ce que la CENI les a transmis alors qu'elle les qualifie d'injustes et de draft? Que vont faire ceux qui doivent faire le recours auprès de la Cour constitutionnelle? Que devrait faire la CENI aujourd'hui? Je crois que la CENI doit inviter ses partenaires, les leaders partisans, les compétiteurs, les médias, pour expliquer davantage ce qui s'est passé réellement. Professeur Denis Manchimi-Woussa, merci. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, c'est sur cet entretien avec le professeur d'université expert électoral Denis Manchimi-Woussa que nous mettons en point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à François Akimana pour sa collaboration technique. Raissa Liliane Inamahoro, j'étais à la présentation de ce journal. Très bon après-midi à vous tous. Au revoir.